Chapitre 11. Pour le feu. Les deux Xam n'avaient pas cessé d'approcher, encore que leur pas se ralentissait. Le plus fort brandissait une dernière sagaie qu'il jeta presque à bout portant. Nao la détourna d'un revers de hache. L'arme fine se perdit dans les flammes. Au même instant, les trois massues tournoyèrent. Celle de Nao rencontra simultanément les deux autres et le heurt rompit l'élan des adversaires. Le moins fort des Xam avait chancelé. Nao s'en aperçut, se rua sur lui et d'un choc énorme lui rompit la nuque. Mais lui-même fut atteint. Un nœud de massue déchira rudement son épaule gauche, à peine s'il évita un coup en plein crâne. Haletant, il se rejeta en arrière pour reprendre position, puis l'arme haute, il attendit. Quoiqu'il ne lui restât qu'un seul adversaire, ce fut le moment épouvantable, car son bras gauche pouvait à peine lui servir, tandis que le Xam se dressait, doublement armé, dans la plénitude de sa force. C'était le guerrier de haute stature, au torse profond, cerclé de côtes plus pareilles à des côtes d'auroch qu'à des côtes d'homme, avec des bras dont la longueur dépassait d'un tiers ceux de Nao. Ses jambes incurvées, trop brèves pour la course, lui assuraient un puissant équilibre. Avant l'attaque décisive, il examina sournoisement le grand Oulam. Jugeant que sa supériorité serait plus sûre s'il frappait à deux mains, il ne garda pas sa massue. Puis il prit l'offensive. Les armes presque égales de poids, taillées dans le chêne dur, s'entrechoquèrent. Le coup du Xam fut plus fort que celui de Nao, qui ne pouvait user de sa main gauche. Mais le fils du léopard avait paré par un mouvement transversal. Quand le Xam renouvela l'attaque, il rencontra le vide. Nao s'était dérobé. Ce fut lui qui prit l'offensive. À la troisième reprise, sa massue arriva comme un roc. Elle eût fendu la tête de l'adversaire si les longs bras fibreux n'avaient pu se relever à temps. De nouveau, les nœuds de chaîne se rencontrèrent et le Xam recula. Il riposta par un coup frénétique qui arracha presque la massue de Nao. Et avant que celui-ci eût repris position, les mains du dévoreur d'hommes se relevaient et se rabattaient. L'Oulam put amortir, il ne put arrêter le coup. Atteint en plein crâne, il plia sur ses jarrets. Il vit tourbillonner la terre, les arbres et le feu. Dans cette seconde mortelle, l'instinct ne l'abandonna point. Une énergie suprême s'éleva du fond de l'être, et de biais, avant que l'adversaire ne se fût ressaisi, il lança sa massue. Des os craquèrent. Le Xam croula, son cri se perdit dans la mort. Alors la joie de Nao gronda comme un torrent. Il considéra avec un rire rauque le brasier où soubresautaient des flammes. Sur les astres profonds, dans la rumeur du fleuve, au murmure léger de la brise, entrecoupé du glapissement des chacals et de la voix d'un lion perdu à l'autre rive, il avait à peine à concevoir son triomphe. Et il criait d'une voix haletante « Nao est maître du feu !» Il lui semblait être la vie souveraine du monde. Il tournait lentement autour de la bête rouge. Il allongeait la main vers elle, et il exposait sa poitrine à cette caresse depuis si longtemps perdue. Puis il murmurait encore dans le ravissement et dans l'extase. « Nao est maître du feu !» À la longue, la fièvre de son bonheur s'apaisa. Il commença de craindre le retour d'Exam. Il lui fallait emporter sa conquête. Déliant les pierres minces qu'il portait avec lui depuis son départ du grand marécage, il se disposa à les réunir avec des brindilles, des écorces et des roseaux. Comme ils furetaient autour du camp, il eut une joie nouvelle. Dans un repli du terrain, il venait d'apercevoir la cage où les dévoreurs d'hommes entretenaient le feu. C'était une sorte de nid en écorce, garni de pierres plates disposées avec un arc grossier, patient et solide. Une petite flamme y scintillait encore. Quoique Nao sût fabriquer les cages à feu aussi bien qu'aucun homme de sa horde, il eût été difficile d'en faire une aussi parfaite. Il y fallait le loisir, un choix attentif des pierres, des remaniements nombreux. La cage d'Exam était composée d'une triple couche de feuilles de schiste, maintenue extérieurement par une écorce de chêne vert. Elle était repliée par des branchettes flexibles. Une fente maintenait un tirage léger. Ces cages demandaient une vigilance incessante. Il fallait descendre la flamme contre la pluie et les vents. Prendre garde qu'elle ne décrût ni n'augmentât au-delà de certaines limites fixées par une expérience millénaire et renouveler souvent l'écorce.